mercredi 23 novembre, ici Dominique Lelièvre et les informations. Plus de la moitié des recommandations de la commission Charbonneau n'ont pas été mises en œuvre à ce jour. C'est la conclusion du rapport du comité public de suivi qui survient un an après que les commissaires aient terminé leur travail. Le gouvernement libéral n'a réalisé que 24 des 60 recommandations contenues dans le rapport de la juge Charbonneau, dont certaines n'ont été mises en œuvre que partiellement. Le comité s'inquiète notamment de la mise sur pied de l'autorité des marchés publics qui n'aurait pas les pouvoirs et l'indépendance nécessaire pour améliorer la gestion des contrats publics. Le premier ministre Philippe Couillard prend ses distances d'une commission d'enquête provinciale sur les relations entre les policiers et les Autochtones. Depuis Paris, où il doit rencontrer le président français sortant François Hollande, M. Couillard a semblé écarter une telle commission d'enquête qu'il juge trop longue et trop chère. Il préconise des solutions qui donneraient des résultats à court terme, mentionnant que depuis que le DPCP a annoncé qu'il ne poursuivrait pas les policiers visés par des allégations à Val-d'Or, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer le racisme systémique. Les propositions du gouvernement de créer une table de concertation ou de créer un poste de police mixte à Val-d'Or ont été accueillies avec scepticisme. Deux opérations antidrogue de grande importance ont mené à l'arrestation d'une dizaine de personnes dans la région de Québec et l'est de la province. Les policiers ont saisi 400 000 comprimés de méthamphétamine, de même que 600 grammes de cocaïne et plus de 250 000 $ en argent. Au total, la Sûreté du Québec et le service de police de la ville de Québec ont procédé à l'arrestation de 15 suspects en lien avec le trafic de stupéfiants. Une cinquantaine de policiers ont participé à l'opération. Scène politique, enfin, un sondage crop la presse place la coalition Avenir Québec devant le Parti québécois pour la première fois en 5 ans. L'enquête menée auprès de 1000 internautes montre que le Parti québécois a chuté de 6 points par rapport à octobre, passant de 30 à 24% des intentions de vote. La CAQ, au même moment, gagne 4 points à 26%. Si des élections avaient eu lieu cette semaine, c'est tout de même un gouvernement libéral majoritaire qui aurait été élu, le PLQ qui est, lui, à 36% dans les intentions de vote. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. 3 degrés pour aujourd'hui avec un ciel généralement ensoleillé. Il fait 2 degrés présentement à Québec. Ce soir et cette nuit, minimum de moins 6. Demain, jeudi, ennuagement tôt le matin. Vent du nord-est à 20 km/h en mi-journée et maximum 0. Vendredi, c'est nuageux avec un maximum de plus 2. Et un aperçu de la fin de semaine, bien, c'est sous la pluie présentement avec 3 degrés samedi et 1 degré dimanche. Midi Jazz vous est présenté par Audiolite, l'expert en son et images. Audiolite.qc.ca.